إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture de la recommandation de l'imam Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qu'il a écrite à Abbad ibn Abbad et dans laquelle il l'a orienté au sujet des qualités desquelles il convient de se parer pour adopter un bon comportement avec les gens. Et on a vu dans les cours précédents qu'il lui a conseillé de baser ses relations sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de veiller à s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis des gens, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala concernant leurs éventuels manquements à son égard. Puis il lui a conseillé de s'isoler. Et on a vu que l'isolation, ce qui est visé, ce n'est pas l'isolement total, mais ce qui est visé est de diminuer les fréquentations et de veiller à fréquenter des personnes profitables. Et c'est pour cela qu'il lui a ensuite recommandé de se rapprocher des pauvres et des nécessiteux qui vont lui rappeler l'au-delà. Après cela, il lui a dit « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْمُرَ بِخَيْرٍ فِي رِفْقٍ فَإِنْ قُبِلَ مِنْكَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْكَ أَقْبَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ لَكَ فِيهَا شُغْلًا » Si tu es capable d'ordonner un bien avec douceur, alors fais-le. Et si cela est accepté de toi, loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cela est rejeté, occupe-toi de ta personne, car tu as avec elle beaucoup à faire. Donc ceci suit des recommandations précédentes. Étant donné que les temps ont changé, que la corruption est apparue, il attire son attention sur le fait qu'il fait partie de son devoir de veiller à réformer les choses, à ordonner le bien et à interdire le mal. Car il ne fait aucun doute que la personne va observer chez les gens de son entourage des manquements vis-à-vis de leurs obligations ou un laisser-aller dans les péchés et les mauvaises actions. Et celui qui observe cela, il ne doit pas se taire. Mais s'il en a les capacités, il devra ordonner le bien et interdire le mal. Et ceci fait partie des fondements immenses de notre religion. Et c'est une chose que la personne ne doit pas négliger lorsqu'elle fréquente les gens. Et on ne doit pas faire de complaisance à ce sujet. Car si personne n'ordonne le bien, et que personne n'interdit le mal, alors le bien continuera de disparaître, et le mal continuera de se diffuser. C'est pour cela que toute personne qui en a les capacités se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal à hauteur de ses aptitudes et de ses capacités. Donc on voit ici qu'il lui a adressé cette recommandation et qu'il a attiré son attention sur trois points très importants. Le premier point est qu'il lui a dit d'ordonner le bien, c'est-à-dire de ne pas ordonner le mal. C'est le bien que tu dois ordonner, non pas le mal et les péchés. Et pour ordonner le bien, tu auras besoin de science, afin de différencier entre le bien et le mal. Car si tu ne connais pas le bien et que tu ne le distingues pas du mal, il se peut que tu ordonnes le mal en pensant ordonner le bien. C'est pour cela que il fait partie des conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal d'avoir la science de ce que tu ordonnes et la science de ce que tu interdis. Et il n'est pas permis de se mettre en avant dans le commandement du bien et l'interdiction du mal sans science. Ceci est une chose blâmable, car la personne va inévitablement tomber dans des erreurs évidentes sans même s'en rendre compte en raison de son ignorance. Et combien sont ceux à faire cela aujourd'hui? À se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à parler au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. À dire ceci est interdit, ceci est obligatoire, ceci est recommandé, ceci est détestable. Sans aucune science à ce sujet. Donc la première condition et la première recommandation qui lui est adressée est d'ordonner le bien et non pas le mal. Et pour connaître le bien, tu dois apprendre la science religieuse. Et il n'est pas possible de se soumettre à cet ordre pour la personne qui est plongée dans l'ignorance. La deuxième chose qu'il lui a ordonnée et qu'il lui a recommandée est d'ordonner le bien avec douceur. Ne pas être dur, ne pas tenir des propos qui pourraient faire fuir les gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à notre mère Aïcha radiallahu anha, la douceur ne se trouve pas dans une chose sans l'embellir, et elle n'est pas retirée d'une chose sans l'enlaidir. Tu dois donc avoir cela en tête lorsque tu ordonnes le bien ou que tu interdis le mal. Fais preuve de douceur. Ne te dirige pas immédiatement vers la dureté, car tu risquerais d'être un frein à l'acceptation de la vérité en raison de ton manque de sagesse. La troisième chose sur laquelle il a attiré son attention dans ce conseil est que tout cela est restreint et lié aux capacités de la personne. Et celui qui n'en est pas capable, alors, il est excusé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main, c'est-à-dire pour celui qui a l'autorité. » Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne peut pas, s'il n'est pas capable de le faire par sa main, s'il n'a pas l'autorité, alors par sa langue. Par sa langue, c'est-à-dire pour celui qui a la science et qui est capable d'ordonner le bien et d'interdire le mal avec science et sagesse. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Donc celui qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de science, il lui incombe au minimum de condamner ce mal par son cœur et de s'éloigner de ce mal et de ses auteurs. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a attiré son attention sur un autre point d'une grande importance, qui est le fait que lorsque tu conseilles une personne, tu ne dois pas mettre en condition de ce conseil qu'il soit accepté. C'est pour cela qu'il lui a dit, si cela est accepté de toi, alors loue Allah. Tu loues Allah qui a facilité à cette personne l'acceptation de ce conseil. Et si cela est refusé, alors occupe-toi de ta personne, car tu as déjà beaucoup à faire avec elle. Lorsque tu adresses un conseil à quelqu'un, garde toujours cela en tête. Ce n'est pas une condition que ton conseil soit accepté. Il se peut qu'il soit rejeté. Et ce n'est pas pour autant que tu dois délaisser le conseil. Conseille, par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si ce conseil est rejeté, alors tu te seras acquitté de ce qui t'incombe vis-à-vis de ton Seigneur. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de transmettre. Quant à l'acceptation ou non, tu n'en es pas responsable. Tu n'as pas autorité sur les gens. Donc si ton conseil est rejeté, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois partir en guerre contre cette personne, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui? Si leur conseil est rejeté, ils déclarent la guerre à la personne qu'ils ont conseillée. Ils vont tout faire pour lui causer du tort, pour le dénigrer et le rabaisser. Et tout ceci est contraire à la voie correcte à emprunter. Lorsque tu adresses un conseil, tu l'adresses pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné la nasiha. Il t'a ordonné le conseil et il t'a ordonné le commandement du bien et l'interdiction du mal. Donc tu adresses ce conseil et si on l'accepte de toi, tu te réjouis. Tu te réjouis qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé la réussite à ton frère par ta cause et qu'il lui ait permis d'accomplir ce bien ou de s'écarter de ce mal. Mais s'il refuse, alors de ton côté, tu te seras acquitté de ton obligation vis-à-vis de lui. Donc, tu reviens à ta personne. Et tu as déjà beaucoup à faire avec ta propre personne. Et bienheureux sera celui dont ses propres défauts le détournent des défauts des gens. Beaucoup ont tendance à se concentrer sur les défauts des autres, au point d'en oublier leur propre personne. Et ceci est une calamité qui mène la personne à sa perte. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc on voit ici qu'en quelques mots, il lui a adressé cette recommandation immense, comprenant l'ensemble de ses bénéfices. Et pour plus de détails au sujet du commandement du bien et de l'interdiction du mal, je vous invite à revenir à une série de cours qui est l'explication d'une épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala sur le commandement du bien et l'interdiction du mal. Et vous retrouverez les enregistrements en ligne sur le site An-Nasiha. Ensuite, Sofiane rahimahullah ta'ala a dit « وَحْذَرِ الْمَنْزِلَةِ وَحُبَّهَا » et prends garde à la notoriété et son amour. Celui qui se mélange aux gens, qui fréquente les gens, et qui veille à s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis d'eux, à commander le bien, à interdire le mal, il se peut qu'il soit éprouvé par la recherche de notoriété auprès d'eux. C'est pour cela que Sofiane, rahimahullah ta'ala, il met ici en garde Abbad ibn Abbad contre la notoriété et l'amour de la notoriété. car ceci est un vice qui atteint nombre de personnes parmi ceux qui s'adonnent à la science et à l'adoration. Combien sont ceux qui sont éprouvés par cette maladie? L'amour de la notoriété, l'amour d'être connu, l'amour d'être suivi, l'amour d'être aimé par les gens. Et ceci est une chose contre laquelle la personne aura du mal à lutter. C'est pour cela qu'il lui dit « فَإِنَّ الزُّهْدَ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا » Le fait de renoncer à la notoriété est plus difficile que de renoncer à ce bas monde. En effet, il est facile pour celui qui s'adonne à la science et à l'adoration et qui cherche la voie de la droiture de renoncer à ce bas monde. Il ne va pas se soucier de ses vêtements, de sa nourriture, de sa boisson. Il patientera même si ses vêtements sont usés, même si sa nourriture n'est pas la meilleure des nourritures. Il patientera sur toutes ses difficultés. Mais il aura du mal à patienter et à renoncer à la notoriété. Et la preuve de cela, elle est évidente. Combien sont ceux parmi nous qui peuvent patienter sur de nombreuses difficultés mondaines? Mais si on leur manque de respect, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pris de colère. Ils sont pris de colère si les gens ne les respectent pas comme ils aimeraient être respectés. Si une personne les méprise, si une personne ne leur donne pas de considération, ils ne supportent pas cela. Pourquoi? En raison de l'amour de la notoriété. C'est pour cela que Sofiane, il nous dit que renoncer à la notoriété est une chose plus difficile que de renoncer au bien de ce bas monde. Et on va revenir, Inch'Allah ta'ala, sur d'autres points liés à ce sujet, car Sofiane, rahimahullah ta'ala, a adressé à Abbad plusieurs recommandations sur ce point. Ensuite, il lui a dit « وَبَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ أَنْ يُدْرِكُوا هَذَا الزَّمَنِ » Il m'est parvenu que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchaient refuge contre le fait d'atteindre cette époque. Il parle toujours de son époque. La troisième des générations de l'islam. L'époque des savants, des imams de l'islam. Il nous dit qu'il lui est parvenu que les compagnons, radiyallahu anhum, ils cherchaient refuge contre le fait d'atteindre cette époque. Alors que dire de notre époque? Ensuite, il dit, rahimahullah, décrivant les compagnons et les qualités que l'on retrouvait chez eux. وَكَانَ لَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ لَنَا. Ils avaient comme science ce que nous n'avons pas. فَكَيْفَ بِنَا حِينَ أَدْرَكْنَا عَلَى قِلَّةِ عِلْمٍ وَبَصَرٍ وَقِلَّةِ صَبْرٍ وَقِلَّةِ أَعْوَانٍ عَلَى الْخَيْرِ مَعَ كَدَرٍ مِنَ الزَّمَنِ وَفَسَادٍ مِنَ النَّاسِ. Ils avaient comme science ce que nous n'avons pas. Alors qu'en est-il de nous qui avons atteint cette époque avec peu de science, peu de clairvoyance, peu de patience et peu de personnes avec qui s'entraider sur le bien, avec cette époque qui s'est troublée et ces gens qui se sont corrompus. Subhanallah. Il dit cela au sujet d'une époque où vivaient des hommes parmi les meilleurs des hommes qui ont foulé cette terre. Qu'aurait dit cet imam s'il avait vu l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le salut. On voit donc ici qu'il a décrit les compagnons radiyallahu anhum par trois caractéristiques immenses qui sont des caractéristiques par lesquelles la personne pourra établir la religion. Et ces caractéristiques étaient réunies chez les compagnons radiyallahu anhum et ne se trouvaient pas chez ceux venus après eux. La première caractéristique est qu'ils étaient dotés de science et de clairvoyance au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient les plus savants des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième caractéristique est qu'ils étaient dotés de patience et qu'ils étaient fermes sur la religion. Ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils patientaient et étaient fermes sur cela. Et la troisième caractéristique que l'on retrouvait chez eux est qu'ils vivaient à une époque où il était facile de trouver des gens avec qui s'entraider sur le bien, s'entraider dans la recherche de la science et s'entraider dans la mise en pratique de cette religion. Si l'un d'entre eux voulait faire le bien, il trouvait rapidement quelqu'un avec qui s'entraider sur cela. Les mains étaient tendues pour faire le bien. Les portes étaient ouvertes. Et si quelqu'un, à cette époque, voulait faire le mal, il ne trouvait personne pour l'aider. Et les portes du mal étaient fermées. Et il aurait trouvé des mains pour l'en empêcher. Et ceci fait partie des plus grandes différences entre les époques vertueuses et les époques corrompues. Mais également entre les lieux vertueux et les lieux corrompus. La différence est que dans les époques vertueuses et dans les lieux vertueux, tu trouveras que le bien est abondant, et que les gens qui font le bien sont nombreux, et qu'il est facile de trouver quelqu'un avec qui s'entraider sur le bien. Et si tu veux le mal, alors il sera difficile pour toi de le trouver, et encore plus difficile de le mettre en pratique. Et les époques corrompues et les lieux corrompus sont à l'inverse de cela, comme on l'observe à notre époque, dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Celui qui veut le mal, cela est facile pour lui. Il est à portée de main aujourd'hui. Il a son téléphone à proximité et il peut, avec celui-ci, commettre toutes sortes de mal et de péchés au layyadu billah. S'il sort dehors, le mal sera accessible. Les péchés seront à portée de main. Et il n'y aura personne pour l'en empêcher. Au contraire, ceci lui sera facilité. Et plus les gens sont corrompus, plus ils sont aimés et plus ils sont respectés et révérés parmi les gens. Regardez à notre époque. Les gens de bien et de vertu ne sont que très peu connus au sein de la communauté. Rares sont ceux à connaître les savants. Rares sont ceux à connaître les gens de science, les étudiants en science. Par contre, la majorité d'entre eux connaissent le nom des footballeurs, le nom des acteurs, des chanteurs, je ne sais quoi. Car ces gens sont devenus des références et des gens respectés en raison de la corruption de cette époque. Et celui qui veut le bien, on va l'en empêcher, on va lui rendre les choses difficiles. Il ne trouvera que très peu de personnes pour l'aider. Et il se peut même qu'il soit pris comme un ennemi, comme une personne dangereuse, qu'on l'accuse de ce dont il est innocent, alors qu'il ne veut que le bien et la piété. Et tout ceci nous indique la corruption de cette époque. Wallah al-musta'an. Donc Sofiane, rahimahullah ta'ala, il nous dit que les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient la science, ils mettaient en pratique cette science, et ils avaient des gens avec qui s'entraider sur le bien et la piété. Et malgré cela, ils cherchaient refuge contre le fait d'atteindre cette époque. Quant à nous, nous l'avons atteint, sans science, sans patience, et sans personne avec qui s'entraider sur le bien, wallah al-musta'an. Et ceci est la triste réalité de notre époque. Combien sont ceux aujourd'hui qui, lorsqu'ils cherchent une personne, par exemple, avec qui s'entraider dans l'étude de la science, ils ne la trouvent pas. Il veut chercher quelqu'un avec qui réviser le Coran. Il ne va pas trouver. Par contre, s'il cherche quelqu'un pour une distraction ou un divertissement, ou un repas ou autre, alors il trouvera de nombreux candidats. Mais pour une assise de science, pour l'apprentissage du Coran, pour la révision du Coran, pour une œuvre de bien, un projet de bienfaisance, les candidats sont moins nombreux. Et ce car les cœurs sont éprouvés par l'insouciance et l'amour de ce bas monde, wal'iyadhu billah. Donc face à cela, quelle est la solution? Comment trouver le salut dans une telle époque? Est-ce que l'on va suivre les gens et devenir comme eux? Ou que doit-on faire? Sofiane, rahimahullah ta'ala, nous a orientés à ce sujet. Et il a dit, وَعَلَيْكَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ. Et attache-toi au premier ordre. Et cramponne-toi à celui-ci. Attache-toi au premier ordre. C'est-à-dire attache-toi à ce sur quoi étaient les premiers musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Car la religion, la vraie religion, la religion authentique, c'est celle sur laquelle ils étaient. Il n'y a pas de nouveauté en religion. La nouveauté en religion, c'est une chose qui est blâmable. Elle n'est qu'innovation et égarement. Mais ce qui est louable en religion, c'est de s'attacher à ce qui est ancien, ce qui est antique. Comme le disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, « Alaykum bil'atiq » Attachez-vous à ce qui est antique, ce qui est ancien, c'est-à-dire ce sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, « Attachez-vous au premier ordre, car les derniers de cette communauté ne seront réformés que par ce qui a réformé les premiers, c'est-à-dire ce sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum, la religion telle qu'elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tel qu'il l'a enseigné à ses compagnons radiallahu anhum, qui eux l'ont ensuite transmis aux tabi'in et ainsi de suite, génération après génération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre la division au sein de la communauté. Il a dit « Ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous seront au feu à l'exception d'un seul groupe. » C'est-à-dire tous sont sous la menace du feu. La menace du feu de l'enfer. À l'exception d'un seul groupe. Ils lui ont dit « Et quel est ce groupe au messager d'Allah ?» Il répondit « Ceux qui sont sur ce quoi je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. » Ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. C'est cela l'issue face aux troubles, l'issue face à la corruption de notre époque, l'issue face aux divergences, l'issue face aux divisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith d'Al-Irbad radiallahu anhu, « Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. » Les gens vont se diviser, il va y avoir beaucoup de discordes. Quelle est la solution ? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي Attachez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Voilà l'issue. Voilà le chemin à prendre pour sortir des troubles. Voilà le chemin à prendre pour trouver le salut face à la discorde, face à la divergence, face à la division. Reviens à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Même si on te dit que tu es arriéré, réjouis-toi. Réjouis-toi car tu suis les meilleurs des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Et ne te laisse pas tenter par les nouveautés. Ne te laisse pas tenter par les choses nouvelles. Ne te laisse pas tenter par tout ce que les gens tente d'instaurer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te laisse pas tenter par les troubles instaurés par ceux qui sont éprouvés par le suivi des gens de l'égarement parmi les mécréants et les gens de l'innovation. Mais dans tout ordre religieux revient à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et ceci est la voie du salut bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il lui a dit « Wa alayka bil khumul, fa inna hadha zamanu khumulin. » Ici, il lui recommande « Al-khumul. » Et « Al-khumul », c'est le contraire de la notoriété. On a vu qu'il l'a mis en garde contre la notoriété. Et ici, il lui recommande « Al-khumul », qui est le contraire de la notoriété. Le fait de vivre à l'ombre des projecteurs, dans l'obscurité. Et il lui dit que c'est cela qui convient à cette époque. Car la notoriété, elle est nuisible pour la personne. Celui qui est connu, il se met en danger. Il risque de se faire leurrer par les éloges des gens et être pris de vanité. Il risque de tomber dans l'ostentation. Il risque de tomber dans l'orgueil, se sentir supérieur. Puis en venir à rabaisser les gens, à les mépriser et à refuser la vérité. Et plus la personne est éprouvée par la notoriété, plus cela l'éloigne de la recherche de la science, de la multiplication des œuvres de bien, et ce car il sera occupé par les gens. Donc il y a dans le khumul et dans le fait de rester à l'ombre des projecteurs une aide à la sincérité. Et cela permet à la personne d'éviter de tomber dans l'ostentation, et la préserver de l'orgueil et de la vanité, et l'aider à l'humilité. Et il aura ainsi plus de facilité à trouver douceur du cœur et apaisement de l'âme. Ma personne ne doit pas chercher à être connue. Ne pense pas qu'il y a du bien à être connu auprès des gens ou à avoir la notoriété. Beaucoup de gens aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils sont éprouvés par cela. Ils veulent être connus, ils veulent avoir beaucoup de suiveurs. Ils font même des formations pour apprendre comment être suivi, comment avoir beaucoup d'abonnés, comment avoir beaucoup de publications partagées, ainsi de suite. Tout cela par souci d'être connu et de trouver la notoriété. Et parfois même, ils vont se servir de la religion pour cela, Wallah al-Musta'an. Donc ce que le musulman doit chercher, avant toute chose, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la recherche de la science et sa mise en pratique, par espoir de ce qu'il y a comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et par crainte de son châtiment. Et s'il fait cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre et lui accorde son agrément et est satisfait de lui, il n'y a pas de doute qu'il va l'élever. Et cette élévation dans ce bas monde sera pour lui une rétribution anticipée avant même l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes réservé la renommée et la notoriété dans ce bas monde et dans l'au-delà aux suiveurs de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Wa rafa'ana laka dhikrak » et nous avons exalté pour toi ta renommée. Donc plus la personne va suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, plus sa renommée sera exaltée. Regardez les compagnons radiyallahu anhum. Prenez l'exemple d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Tu ne vas pas ouvrir un livre de hadith sans trouver son nom et invoquer en sa faveur. Abu Huraira radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci et cela. Abu Huraira a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait ceci et cela. Et regardez après eux les imams de l'islam. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il n'y a pas un cours de sciences religieuses sans qu'ils ne soient mentionnés. Il n'y a pas un livre sans que leur nom s'y trouve. Leur renommée a donc été exaltée. Ils ont été élevés dans ce bas monde, au point que des siècles soient passés et qu'on ne cesse de les mentionner et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et inversement, celui qui s'oppose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera rabaissé et avili. Inna shani'aka wal abtar. Celui qui te hait, qui te déteste, il sera sans postérité. Il sera oublié. Donc l'élévation dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle se trouve par le suivi du Coran et de la Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève certes des gens par ce livre, c'est-à-dire par le Coran. Celui qui s'accroche au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'y cramponne fermement, il n'y a pas de doute qu'il sera élevé. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah élève en degré ceux parmi vous qui ont eu la foi et ceux qui ont reçu le savoir. Donc le fait d'atteindre la notoriété, ce n'est pas cela qui est blâmable. Mais ce qui est blâmable, c'est de la rechercher et de l'aimer. Car celui qui la recherche et qui désire la notoriété, ceci est en raison d'une mauvaise intention et d'un objectif corrompu. Et s'il fait cela, et qu'il l'obtient alors, ceci sera pour lui une source de son malheur, car il sera livré aux gens et abandonné à eux. Contrairement à celui qui l'a obtenu sans la rechercher, il sera préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui va l'aider à faire face aux méfaits de cette notoriété et va lui accorder la réussite afin d'en profiter dans le bien, comme en transmettant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, va revenir sur le conseil de la solitude et le fait de ne pas trop fréquenter les gens, et on verra cela, inshallah ta'ala, lors du prochain cours. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.